quand je te regarde, découvrir le monde, t'émerveiller par tant de beauté. Du vent dans les feuilles te fait sursauter, c'est peut-être un chevreuil dans ton monde enchanté. Juste un instant, un tout petit instant, si je pouvais suspendre le temps pour profiter de l'éternité, de ce petit moment. Tu rigoles, un papillon s'envole, tes yeux le suivent, trop tard il est parti. Tu me regardes et tu me souris, tu sais que ce n'est rien, tu en verras plein. Juste un instant, un tout petit instant, si je pouvais suspendre le temps pour profiter de l'éternité, de ce petit moment. Juste un instant, un tout petit instant, si je pouvais suspendre le temps pour profiter de l'éternité, de ce petit moment. Juste un instant, un tout petit instant, si je pouvais suspendre le temps pour profiter de l'éternité, de ce petit moment.